L'ambassade coréenne en Chine a offert le 15 un banquet à l'occasion du 75e anniversaire de naissance du général Kim Jong-il. Y ont été invités Wang Jiadui, vice-président du comité national de la conférence consultative politique du peuple chinois, et autres officiels intéressés chinois. Le 13 aussi, elle a organisé un banquet en l'honneur des représentants diplomatiques de divers pays en Chine.